confrontation in some stupid little town. A black killer Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 151e Vampire Freaks déjà. Salut, c'est Spike et je suis content de vous retrouver pour cette 151e, même moi j'ai du mal à le dire. Merci encore pour tous vos gentils messages que vous m'avez laissés par rapport aux nouveautés de la semaine dernière. Je vous rassure, cette semaine, il y aura encore des nouveautés. Il y a d'exclus, il va y avoir du très très bon. On commencera tout de suite avec une nouveauté, War, le nouveau Emigrate. C'est sur l'album A Million Degrees, leur troisième album sorti le 30 novembre 2017. On retrouve 1-2-3-4, Lead You avec Margot Bossieux, We Are Together et Let's Go featuring Till Lindemann de Rammstein. On écoutera ensuite Soul Train de Alborosi, c'est sur l'album Two Times Revolution sorti le 11 juin 2011. On retrouve Rolling Like a Rock, You Make Me Feel Good et Tax War. On écoutera ensuite Doc Bollocks de Parabellum. C'est sur l'album gratuit, deux morceaux en moins, leur premier mini-album sorti en 1986. On retrouve Berceau Néo Caveau, Hilo Amsterdam et Cayenne, un classique du punk français. On aura ensuite une nouveauté, Guerre de Religion de La Gâchette. C'est sur l'album 20 ans d'insoumission, sorti le 9 avril 2018. On retrouve Vengeance, Légalisé et La Nuit Longueur. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Sacred Heart. Et en vinyle de Dio, c'est sur l'album Intermission, son premier mini-album live, sorti en juin 86. On retrouve King of Rock'n'Roll, Rainbow in the Dark et We Rock, un classique du heavy metal. over the hills and over the valley. Me work the land and I push up the trolley. International train, you got to have a ticket, oh my. And if the road gets steep on you, push your feet them and just go through. So train, you got to have a ticket, oh my. Over the hills and over the valley, me work the land and I push up the trolley. International train, you got to have a ticket, oh my. And if the road gets steep on you, push your feet them and just go through. So train, you got to have a ticket, oh my. A man that lived his life with no expectations is an empty soul with no ambitions. You got to work and do it right, just never underestimate the fight. Do your work and do it right. Over the hills and over the valley, me work the land and I push up the trolley. International train, you got to have a ticket, oh my. And if the road gets steep on you, push your feet them and just go through. So train, you got to have a ticket, oh my. And if you're walking in the dark, there must be a rock to hold on to. And if you feel you're getting lost, don't lose your faith and just move on. Yes, I'm talking to you. International train, you got to have a ticket, oh my. Soul train, you got to have a ticket, oh my. Zion train, you got to have a ticket, oh my. International train, you got to have a ticket. Told me, don't be discouraged by the evil, yes. So I'll search inside my very soul, my train to Zion, oh my. The preacher standing by the river, saying, let the water cool down your fever. Soul train, take me to Zion, oh my. International train, you got to have a ticket, oh my. Soul train, you got to have a ticket, oh my. Zion train, you got to have a ticket. Sons. Empire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Qu'est-ce que c'était bon, ça, duo en live. Vous êtes toujours là, 151e Bumper Freaks, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter War, le nouveau Emigrate, Soul Train de Alborosi, Doc Bollocks de Parabellum. On a eu ensuite Guerre de Religion, le nouveau La Gâchette, et on a fini ce bloc en live avec Sacred Heart et en vinyle de Dio. On continuera cette émission avec le nouveau Circus in Town, c'est même une exclusivité, ça s'appelle Screwdriver. L'album, il s'appelle Monkey See, Monkey Do, c'est un EP 6 titres, qui est sorti le 1er mars 2019. On retrouve Screwdriver, Clowns and Clones, Desfigurado, Elephant Me, The Valley of the Fallen et Blood for Blood. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera une autre nouveauté, Take It All, le nouveau Silio. C'est sur l'album Motel, leur troisième album sorti le 15 décembre 2017. Oui, ils travaillent sur un nouvel album eux aussi. On retrouve Western Sky, Like You et Save Me. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, Soundcloud, YouTube et toutes les plateformes numériques. Ils sont partout. On écoutera ensuite une autre nouveauté. Ah ouais, je vous ai gâté cette semaine en nouveauté. Drive an Automatic, le nouveau Awake. Ça, c'est sur l'album Let's Party Down, qui est en deux CD, sorti en février 2019. On retrouve Every Time, Can't Stop Thinking et Feel So Cold. Donc, comme je disais, il y a deux CD. Le premier, c'est un album studio qui a été enregistré en novembre 2018. Et le deuxième, c'est du live. C'est des extraits de concerts entre 1995 et 2017. On écoutera ensuite Utterance de Black Uhuru. C'est sur l'album Red, sorti en 1981. On retrouve Spongy Reggae, Journey et Rockstone. Un classique du reggae jamaïcain. Et on finira ce bloc en live et en punk avec Sources Blood de Beton Todd. C'est sur l'album Mille Fois Live, sorti en 2018. On retrouve Glockhouse, Biva Punk, Kind Pop Song, on les retrouve sur Facebook, YouTube, toutes les plateformes, enfin ils sont partout. Driver! Paris, try the Moscow too. I can drive you anywhere if you wanna get home with you. I can drive an automatic, I can drive a standard too. I can drive a tractor, baby, just to get to you. I can drive from Dallas way back to New Orleans. I can drive you all night long if I wanna get home to you. I can drive an automatic, I can drive a standard too. I can drive a tractor, baby, just to get to you. Drive, baby. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. To hear the other Béton Todd en live, ça arrache le bitume. Vous êtes toujours dans la 151e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Screwdriver, l'exclusivité de Circus in Town. Allez sur la page Facebook, ils sont en charge des dates, contactez-les, ils sont excellents. On a eu ensuite Take It All de Seal You. On a eu ensuite Drive an Automatic, le nouveau Awake. On a continué avec Utterance de Black Uhuru. Et on a fini ce bloc en live avec Charles Hotboot de Béton Todd. On continuera cette émission avec Pense à moi de Barricade. C'est sur l'album Sans Titre, sorti le 15 janvier 2017. On retrouve Sans Titre 1, Anakin, La Meute entre autres. Ils sont en studio et préparent leur prochain album qui sortira début 2020. Des nouvelles bientôt. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une nouveauté, l'Auto Purpose de Nawak. C'est sur l'album Trop Bien mais Trop Court, sorti le 25 mai 2018. On retrouve Ticket Talk, Walking Red et Mise en Bière. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, Soundcloud et toutes les plateformes numériques. Ils sont partout. On écoutera un grand classique, Wonderwall de Oasis. C'est sur l'album What's the Story, Morning Glory, leur deuxième album sorti le 2 octobre 1995. On retrouve Roll With It, Some Might Say et She's Electric notamment, du bon son des années 90. On écoutera ensuite un petit reggae, Somali de Asso Babilas. C'est sur l'album La Mort des Justes, sorti le 28 août 2010. On retrouve Jeunesse en Danger, Système Caméléon et Démocratie. Ils sont de Saint-Etienne et ont fait les premières parties de Alpha Blondie et Tikenja Fakoli et beaucoup de travail avec Dubbing notamment. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Killing Rats de Mano Negra. C'est sur l'album Indie of Pachinko, sorti le 16 novembre 1992. On retrouve Magic Dice, Rock Island Line et Malavida notamment. Nous, une vie de galère pour seulement quelques euros. Les hommes sont attirés inexorablement par l'argent, comme les mouches par un tas de fumier fumant. Si les pauvres sont les gentils, les riches, les méchants, le monde a basculé du côté des truands. Épris d'un sentiment de puissance, les férus de la finance mènent l'humanité à la démence. Eux encaissent des intérêts sans compter. Pour nous, tous les mois, les agios sont à décompter. Écoutez, laissez-nous vous compter. La vie chic dont ils profitent au sein de l'élite, et tout ça sans une once d'éthique. Quand l'argent cesse d'être un moyen pour devenir un but, ils corrompent les humains, devient le mal et nous les butent. Quand l'argent cesse d'être un moyen pour devenir un but, ils pourrissent les comportements humains, devient le mal et nous les butent. Ils partent en promenade et nous baladent. Eux, c'est de façon fiscale qu'ils s'évadent. De l'Alabama à Yokohama, mais de tous les endroits, ils préfèrent le Panama. Et si l'envie les prend d'adopter des reptiles, C'est au Caïman qu'il s'exile, escale amicale doublée d'une ambiance conviviale. Là-bas c'est en famille qu'on va laver son argent sale. Parlons du profit auquel tous vous incultent. Il va sans dire que leur compta est occulte. Tout s'arrange entre adultes en cas de tumulte. Un parachute doré s'ouvre quand on les catapulte. Il gagne à tous les coups, ça fait des jaloux, c'est chelou. Mais une vie de millionnaire à un coup. Ne jouons pas les riches si nous n'avons pas le sou. Dès que l'occasion se présente, passons-leur la corde au cou. Quand l'argent cesse d'être un moyen pour devenir un but, il corrompt les humains, devient le mac et nous les bute. Quand l'argent cesse d'être un moyen pour devenir un but, il pourrit les comportements humains, devient le mac et nous les bute. Bien à l'aise dans leur costume trois pièces, les mecs ont des liasses dans une ambiance de liesse. Le mépris de la misère, philosophie de riche. Chez ces gens-là, on ne pense pas, on triche. Ils se foutent de nous, mais leur discours ne fait qu'alimenter notre courroux. De dette, on nous crible, mais sans nous, rien n'est possible. Car de la machine Afrique, nous sommes le combustible. Sinistre minorité invisible, cachée dans notre personnalité éligible, corruptible. Vous trouvez ça terrible, c'était prévisible, mais ne croyez pas que tout cela soit irréversible. Ils ne sont que 1% à posséder la quasi-totalité des richesses sans les partager. Doit-on se contenter de quelques miettes comme des pigeons ou devenir acteur de leur édition? Quand l'argent cesse d'être un moyen pour devenir un but, il corrompt les humains, devient le mac et nous les bute. Quand l'argent cesse d'être un moyen pour devenir un but, il pourrit les comportements humains, devient le mac et nous les pute. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know. I said maybe La guerre ne fait rien de bon. Elle ne fait que détruire. Assez de mots, ça blesse à l'œil. Arrêtez les explosifs. Trop, c'est trop. Miwello, Miwello, Miwello, Minare Somali. Minare Somali. Miwello. Miwello, miwello, minare Somali, no. Somali. Ado wa tolome, do vile bidokuku, eh. Hello. Ado wa tolome, finu nuvavo mende, weya. Yeah. Ate de moi. Sables à l'œil. A noyé, ça cause des dégâts. On a des armes au sud, des lances à l'est, à l'ouest, des couteaux de tout genre. La guerre civile guérit le pays. C'est pas une spéciale, mais ça part quand même en sucette. On vient de s'écouter « Pense à moi » de Barricade. On a eu ensuite « Lotto Papers » de Nawak, le nouveau Nawak. On a eu ensuite « Wonderwall », le grand classique de Oasis. On a eu « Somali » de Asso Babilas. Et on a fini ce bloc en live avec « Killing Rats » de Mano Negra. On continuera cette émission avec Colette, le nouveau Maggie Ball. C'est sur l'album Je suis pas ta mère, sorti le 15 septembre 2017. On retrouve Tout va mal, Jean-Marc et Les Enculés. Elle est extraordinaire. On la retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube. D'ailleurs, le clip Colette tourne à La Réunion est disponible sur YouTube et elle est sur toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté et même une exclusivité, Tout ce qui brille, le nouveau Fahrenheit. C'est sur l'album Zone 51 qui sortira au printemps. Des news très vite. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite Junk Food de Arnaud Futur. C'est sur l'album Cannibal, sorti le 21 octobre 2017. On retrouve Big Brother, Garage Band et Un samedi soir, Rue des Martyrs. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Un nouvel album est prévu d'ici l'automne 2019. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Worldwide, featuring Ras Ascenti de George Dub. C'est sur l'album Alongside Session Partie 1, qui est sorti le 2 février 2019. On retrouve Natty Ready, Rise Day Todomal et Isis. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp, toutes les plateformes numériques et SoundCloud. Et on finira ce bloc en live avec Que pasa, Aki des Shérifs. C'est sur l'album Bang, sorti en 2014. Ils sont encore en tournée cette année à travers toute la France et même l'Europe avec Ludwig von 88. Ça doit être du bon spectacle, ça. Hein. Essaye de t'expliquer avec des mots pas compliqués que ta vie et toutes tes embrouilles. On s'en bat les couilles, on a essayé d'être gentil quand tu nous racontais ta vie. Mais là vraiment on n'en peut plus, tu nous fais chier et puis tu pues. Ferme ta gueule, Colette. Ferme ta gueule, Colette. Ouais, ferme ta gueule, Colette. Mais putain, ferme ta gueule, Colette. Quand tu me parles, j'ai l'impression que tu me causes en téléthon. En plus d'avoir une tête à claque, t'as le sourire qui sent le Prozac. Toi pour te faire taire, il faudrait de l'idée taire. J'aurais bien pété tes dents, mais quelqu'un l'a déjà fait avant. Ferme ta gueule, Colette. Ferme ta gueule, Colette. Ouais, ferme ta gueule, Colette. Mais putain, ferme ta gueule, Colette. Alors toi, vu ta tête, t'es un pote à la Colette. Peut-être que t'es son frangin ou bien son mec ou son cousin. T'es peut-être des trois à la fois, ça tu vois, je m'en vanterai pas. Mais toi, t'es tellement un crétin que t'es content d'être consanguin. Ferme ta gueule, Colette. Ferme ta gueule, Colette. Ouais, ferme ta gueule, Colette. Mais putain, ferme ta gueule, Colette. On n'est pas là pour sauter un super happy birthday. À ton pote vous connaît pas, alors fais pas chier avec ça. T'as dû fumer trop de viande d'ox, tu m'as pris pour un jukebox. Non je chanterai pas les lacs du Connemara. Ferme ta gueule, Colette. Ferme ta gueule, Colette. Ouais ferme ta gueule, Colette. Mais putain ferme ta gueule, Colette. Ta gueule, Colette. Ta gueule, Colette. Ta gueule, Colette. Mais ferme ta putain de gueule, Colette. Voilà. Ok. Mais tu devrais faire attention. Tout ce... Junk food, master match, cacahuète, pirouette, alouette, cheeseburger, cervelle molle, internet. Super chouette, junk food. Junk food. Junk food, show business, nouvelle star, David Guetta, people, le 20h, tous les soirs. Exclu, magazine, closer, junk food, le bonheur. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Oh, mal. Mal. Mal. Mal. Sextape, pornotrice, Facebook, mythique, moody stream, gigolo, body, body, bull. MySpace, trop d'étoiles, Hollywood, junk food. Junk food. Boulette, viande, spécolade, bru, vache qui rit, vache folle, surimi, panini, médiator. Médiator. Junk food. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Oh mal. Mal. Mal. Oh mal. Qu'est-ce qu'on mange? Ah, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Ah, mal. Mal. Mal. Ah, mal. Hilton, Britney Spears, playback, Gambon, Baggy Doggy Bag, Fantube, Lady Gaga, Bling Bling, Nicolas, Carlita, OGM, Junk Food, Fouquet, Marolex, Politique, Spectacle, Ruby Gate, Boogie Boogie Night, Jet Lag, First Class, Cola Gold, Jeux du Cirque, Football, on rigole. Qu'est-ce qu'on mange? Oh, qu'est-ce qu'on mange? Oh, mal. Mal. Mal. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Mal. Écrivez au laboratoire Roger, 49 rue de la Mairie, Boulogne-sur-Seine. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. nothing at all. At the worldwide, we feel like on arrival. Until they lead to a path without a way. I and I come away from the same branches, from the same trunk, like the same tree. Women scratching and digging for searching all things from the past. To have the chance, me brethren, to change the dawn. Women scratching and digging for finding where will be the taste. To have the chance, me sister, to find a way. Ah, vous savez, les shérifs, on l'a tous les jours, le bruit du marteau piteur. C'est à force d'écouter Rammstein. Vous êtes toujours dans la 151e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Colette, le nouveau Maggie Ball, Tout ce qui brille, l'exclusivité de Fahrenheit, Junk Food de Arnaud Futur, Worldwide de George Dub, et on a fini ce bloc en live avec Que Passa Aquí des shérifs. On continuera cette émission avec Back in Night en live de Dr. Feelgood. C'est sur l'album Oil City Continental, sorti en 1975, réédité réédité et remasterisé en 2009. On retrouve Shakebook, Shaking All Over et I Shouldn't Call the Doctor. On écoutera ensuite Punk Rock, le nouveau Intox Leader. C'est sur leur premier EP I'm Not a Ship, sorti le 15 novembre 2018. On retrouve Dérision, I Throw Up, Punk Rock et On En A Assez. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera en live, ouais, j'ai envie de live, avec One Man Against the World de Gregory Isaac. C'est sur Live in Paris, sorti en 1992. On retrouve Mr. Brown, Border et Love is Overdue, un des fondateurs du reggae jamaïcain exilé en Angleterre. On écoutera ensuite une nouveauté, 5 à 7 de La Mêlée. C'est sur leur EP 4 titres Bâtard Local. On retrouve Mieux qu'hier, 5 à 7, Psychose et Ni. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, Soundcloud et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Extreme Aggression de Creator. C'est aussi le titre de leur quatrième album sorti le 19 juin 1999. On retrouve No Reason to Exist, Love Us or Hate Us et Don't Trust. Thank you, ladies and gentlemen. We'll all play one now, written by Wilco Johnson. It's entitled Back in the Night. 1, 2, 3, 4. Back in the night, shoot me like a landslide. Little miss the early shift, dreaming and moaning about the things we did. Back in the night. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Oh, yeah! à s'envoie du steak un créateur en live. On vient de s'écouter Back in the Night en live de Dr. Feelgood, Punk Rock, le nouveau Intox Leader. On a ensuite One Man Against the World en live de Grégory Isaac. On a eu ensuite 5 à 7 de La Mêlée et on a fini ce bloc en live avec Extreme Aggression de Creator. Cette 151e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. On finira avec un petit truc de Baba Cool, A Passion Play de Jethro Tull. C'est aussi le titre de son 6e album sorti le 13 juillet 1973. On retrouve Bourré, Sick as a Brick et Minstrel in Calling. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freak, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Et on se retrouve aussi sur archive.org. Salut à tous et toutes, la tribu! The chain, loose a whisper, still the rain, the storm about to be. Here in my voyager into life, top of the swords that tread the night's edge. Break the circle, stretch the line, call upon the devil, bring the gods, the gods on fire in the conflict around. Passengers upon the ferry crossing, waiting to be born. Renew the pledge of life's long song, rise to the rebellion horn. Animals queuing at the gates of sand upon the shore. Breathe the ever-burning fire, the gods, the of ever life, yours to breathe the breath of pain of living, living beings.